Ésaïe chapitre 10. Malheur à ceux qui font des ordonnances d'iniquité, et qui dictent l'oppression qu'on leur a dictée. Pour enlever aux chétifs leurs droits, et pour ravir le droit des affligés de mon peuple, afin d'avoir les veuves pour leur butin, et de piller les orphelins. Et que ferez-vous au jour de la visitation, et de la ruine éclatante qui viendra de loin? Vers qui recourez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire? Sans qu'aucun soit courbé sous les prisonniers, ils tomberont même sous ceux qui auront été tués. Malgré tout cela, il ne fera point cesser sa colère, mais sa main sera encore étendue. Malheur à Assur, la verge de ma colère, quoique le bâton qui est en leur main, soit mon indignation. Je l'enverrai contre la nation hypocrite, et je le dépêcherai contre le peuple de ma fureur, afin qu'il fasse un grand butin, et un grand pillage, et qu'il le foule comme la boue des rues. Mais il ne l'estimera pas ainsi, et son cœur ne le pensera pas ainsi, mais il aura en son cœur de détruire et d'exterminer beaucoup de nations. Car il dira, « Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Calno, n'est-elle pas comme Karchemi? Hamath, n'est-elle pas comme Arpa, et Samarie, n'est-elle pas comme Damas? Ainsi que ma main a soumis les royaumes qui avaient des idoles, et desquels les images taillées, valaient plus que celles de Jérusalem et de Samarie. Ne ferai-je pas aussi à Jérusalem et à ses dieux, comme j'ai fait à Samarie et à ses idoles? Mais il arrivera que quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre dans la montagne de Sion et à Jérusalem, j'examinerai le fruit de la grandeur du cœur du roi d'Assyrie, et la gloire de la fierté de ses yeux. Parce qu'il aura dit, je l'ai fait par la force de ma main, et par ma sagesse, car je suis intelligent, j'ai ôté les bornes des peuples, et j'ai pillé ce qu'ils avaient de plus précieux, et comme puissant j'ai fait descendre ceux qui étaient assis. Et ma main a trouvé comme un nid les richesses des peuples, et ainsi qu'on rassemble les œufs délaissés, ainsi ai-je rassemblé toute la terre, et il n'y a eu personne qui ait remué l'aile, ou qui ait ouvert le bec, ou qui ait grommelé. La cognée se glorifiera-t-elle contre celui qui en coupe, ou la scie se magnifiera-t-elle, contre celui qui la remue, comme si la verge se remuait contre ceux qui la lèvent en haut, et que le bâton s'éleva, comme s'il n'était pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, enverra la maigreur sur ses hommes gras, et par le dessous de sa gloire il allumera un embrasement, tel que l'embrasement d'un feu. Car la lumière d'Israël sera un feu, et son sein sera une flamme, qui embrasera et consumera ses épines et ses ronces tout en un jour. Et il mettra fin à la gloire de sa forêt et de son Carmel, depuis l'âme jusqu'à la chair, et il en sera comme quand le guidon est défait. Et le reste des arbres de sa forêt seront aisés à compter, tellement qu'un enfant les mettrait bien en écrit. Et il arrivera en ce jour-là, que le résidu d'Israël, et ceux qui seront réchappés de la maison de Jacob, ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront en vérité sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le résidu sera converti, le résidu, dis-je, de Jacob sera converti au Dieu fort et puissant. Car, ô Israël, quand ton peuple serait comme le sable long de la mer, un résidu en sera converti, mais la consomption déterminée, fera déborder la justice. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, s'en va faire une consomption, même déterminée, au milieu de toute la terre. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel des armées, mon peuple qui habite dans Sion, ne crains point le roi d'Assyrie, il te frappera de la verge, et il lèvera son bâton sur toi, à la manière d'Égypte. Mais encore un peu de temps, et mon indignation sera consommée, et ma colère sera à leur destruction. Et l'Éternel des armées lèvera sur lui un fouet, qui sera comme la plaie de Madian au rocher d'Horeb, et comme son bâton sur la mer, lequel il élèvera aussi comme contre les Égyptiens. Et il arrivera en ce jour-là, que son farde sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Il est venu à Jatt, il est passé à Migron, et il a mis son bagage à Mishma. Ils ont passé le gué, ils ont fait leur gîte à Geba, Rama s'est effrayé, Giba de Saül s'en est fui. Fille de Galim, élève ta voix, pauvre Anatot, fais-toi ouïr vers Laï. Madmena s'est écartée, les habitants de Gébim s'en sont fuis en foule. Encore un jour, il s'arrêtera à Nob, il lèvera sa main contre la montagne de la fille de Sion, contre le coteau de Jérusalem. Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, et branchera les rameaux avec force, et ceux qui sont les plus hauts élevés, seront coupés, et les hauts montés seront abaissés. Et il taillera avec le fer, les lieux les plus épais de la forêt, et le Liban tombera avec impétuosité.